J'ai rencontré une meuf en soirée sur Paris. On se voyait quelques soirs, on était plus qu'amis. Elle m'appelait quand ça chauffait avec son petit ami. Histoire de décompresser sur le tatami. Les trois règles étaient de une, on ne se promet rien de deux. Pas de jalousie de trois, personne parle jusqu'à la fin. Bien évidemment j'accepte, moi je ne risque rien. Son mec, c'est pas mon souci, t'inquiète, je risque pas d'y mettre fin. Célibataire endurci, rien à foutre que l'on me juge. Si vous saviez ce qu'elle me disait, mais bon là c'est pas le sujet. Quand je lui disais de venir, mon appart c'était le QG. Et comme toute femme qui se livre, mademoiselle se sent négligée. T'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire appliquer, ouais. J'ai voulu être clair, mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. J'ai rencontré une autre femme et toujours sur Paris. Elle avait l'air sérieuse, elle me parlait d'avenir. Du coup j'ai prétendu écouter ce qu'elle avait à me dire. J'aimais sa façon d'être et j'aimais son charisme. Plus le temps passe et plus je kiffe, être en sa présence. Et qu'il aurait pas rié, j'esquive les appels, elle recommence. Et j'ai toujours 5 ou 6 appels en absence. Pourtant je l'avais briefé, j'ai quelqu'un qui me fait confiance. Elle veut pas lâcher l'affaire, elle me dit qu'elle veut me revoir. Elle a repris ses affaires, elle a même quitté son gars. Bah maintenant j'ai quelque chose à faire, je veux plus croiser son regard. Elle me dit que c'est la dernière, après ça je te dirai au revoir. T'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire appliquer, ouais. J'ai voulu être clair, mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. J'ai pris le risque d'y aller une dernière fois. Je savais que j'allais faire n'importe quoi. Maintenant là, ose venir me faire du chantage. Soit c'est elle, soit elle dit tout à ma femme. J'ai pris le risque d'y aller une dernière fois. Je savais que j'allais faire n'importe quoi. Maintenant là, ose venir me faire du chantage. Soit c'est elle, soit elle dit tout. T'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire appliquer, ouais. J'ai voulu être clair, mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal.